Party. Il est 12h30, bonjour, ici Dominique Lelièvre pour vos informations. Commençons avec cette importante annonce dans le quartier Saint-Roch ce matin. La basse ville de Québec qui sera l'hôte d'un tout nouveau festival du 15 au 17 septembre prochain. Le festival Saint-Roch Expérience mettra à l'honneur la musique francophone, la gastronomie ainsi que les arts visuels. C'est la filiale du Festival d'été de Québec, 3E événements qui chapeautent le tout. Plusieurs scènes seront mises à contribution, dont l'Impérial Belle, le district Saint-Joseph et l'Antibar. En plus d'une scène extérieure, où les concerts seront gratuits. Yann Perrault sera la tête d'affiche de ce festival qui invitera par ailleurs à se produire de nombreux artistes québécois et francophones issus de plusieurs styles musicaux. Écoutons Louis Bellavance, le directeur de la programmation au Festival d'été de Québec et pour ce nouvel événement également. On a une programmation en musique jeudi, vendredi, samedi, mais le samedi, on ferme la rue et là, on invite les gens à venir très tôt, à venir déguster la bouffe. On a une bière faite exprès pour l'événement, une scène à l'extérieur qui va se combiner à ça aussi, des spectacles en salle, donc une espèce de journée folle où on va solliciter tous les sens des gens qui sont des amateurs d'art et d'expérience et de bouffe et d'art de vivre, qui vont venir ici voir des extraits de pièces de théâtre, peut-être aller voir un show à la bas ou venir voir un spectacle en musique, sortir dehors, en avoir encore, passer une journée extraordinaire dans un cadre un petit peu plus réduit avec une foule plus compacte que ce qu'on a comme immense déploiement au festival. Donc, c'est une autre direction. Puis, la fenêtre de septembre est géniale. Il y a des événements qui se tiennent dans d'autres villes, à Toronto, à Ottawa, qui partagent cette fenêtre-là. Donc, au niveau des dates, c'est un beau... Il y a des beaux partenariats à faire là aussi pour se déployer dans le futur. Et restons dans la basse ville de Québec, la ville qui assure qu'elle fera tout en son possible pour ne pas annuler les matchs de soccer qui étaient prévus au Parc Victoria. Le terrain de soccer synthétique du Parc Victoria qui a été, on le sait, vandalisé cette nuit. Selon la police, un amas de boîtes de carton a été incendié en plein centre du terrain. Une surface de 4 mètres carrés est carbonisée, rendant inexploitable le terrain pour des raisons de sécurité. On parle de dommages qui représentent plusieurs milliers de dollars. La police a ouvert une enquête, mais n'a aucun suspect dans sa mire. Une accusation d'incendie criminel pourrait être portée. Et les propriétaires Airbnb de Québec ne sont pas pressés de réguler leur situation. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ils sont seulement 38 à Québec à avoir fait une demande d'attestation à la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Bien peu quand on sait que le nombre de logements disponibles sur la plateforme Airbnb se chiffre à plusieurs centaines dans la région. La loi soumet les propriétaires Airbnb aux mêmes règles que le reste de l'industrie touristique. À Québec, très peu de zones permettent ce type d'activité. Les contrevenants s'exposent pourtant des contraventions de plusieurs milliers de dollars. Par contre, premier avertissement est sans conséquence pour les propriétaires. Et c'est ainsi que se complète ce point sur l'actualité. De retour à l'émission Midi Jazz.